5, 6, 7, 8, 9 nouvelles entrées. On a passé 45 minutes, le 3 quarts de la première heure là-dessus. Ben, ça fait du bien. Vraiment, on a rénové, on a reconstruit les fondations des palmarès. Ouf, on avait-tu un permis de construction? Je sais pas, mais c'est pas grave, personne va s'en rendre compte. C'est juste entre nous autres. Hein? Ben, vu qu'on a dit bonjour à 9 nouvelles entrées, il faut dire au revoir à 9 autres. Oh, palmarès, rest in peace. Just mountains of change. Voici les extraits des pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Bye bye bye. c'était des extraits des pièces qui ont quitté les palmarès C'est fou depuis l'édition du 3 au 9 février 2014. On a donc dit au revoir à Tes yeux de Monogrenade qui est resté seulement 4 semaines, mais qui est déjà de retour sur le palmarès pas avec la pièce bon. Métropolis. Mais non, c'est... Ben non, on leur fait repartir en bas. Même chose pour Jacques Mort et la pièce Adieu mes chats qui a duré 9 semaines. Jacques Mort qui est de retour avec le morceau Squelette de bois. Ensuite, on a dit au revoir à Pendentif et la pièce Mafia douce qui est restée 6 semaines. Ensuite, on avait confié ton sac de natation qui a duré 8 semaines. Audrey Emery et La couleur des jours qui est restée 7 semaines. Dr. Dog et Love qui a seulement duré 4 semaines. Il y a aussi Royal Canoe qui nous a quittés avec sa pièce Birdie qui est restée 7 semaines. Et aussi son retour avec la pièce Hold On to Metal. Ensuite, Mark Berube et Confession to a Sweet Lad qui a duré 8 semaines. Lui qui est aussi de retour avec Carnival. Et finalement, I Had Me a Girl de Civil Wars qui est restée 5 semaines. À cette pièce-là m'énervait tellement à chaque fois qu'elle jouait. Mais quand même, c'est un genre... The Civil Wars, voilà. Mais elle me restait beaucoup dans la tête, c'est même vrai. Si des fois, j'avais l'impression qu'elle allait vomir. C'est tellement l'impression que ça me donnait aussi. Voilà pour Palmer Rest in Peace. On fait ça chaque semaine et c'est rare qu'on fait ça pendant aussi longtemps. Ça a duré comme 4 minutes quelque chose avec des montages de 25 secondes par pièce. C'est de même.